Le crocodile est un prédateur opportuniste qui tend des embuscades aux animaux passant à proximité du point où il se dissimule, n'hésitant pas à attaquer des animaux plus gros que lui, et celui d'aujourd'hui fait déjà une sacrée taille. Aujourd'hui, on va parler de Lake Placid Legacy de Darrell James Root. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans 30 millions d'attaques, notre cinquième épisode, je suis avec Chris, salut. Salut, ouais déjà 5, ça passe. Ouais, c'est en faisant qu'un par mois en fait, ça va bientôt faire 6 mois qu'on a commencé ça en réalité. Eh oui, ouais, ça oui, tu le dis bien oui. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bon ça va, je prépare un déménagement, on en reparlera tout à l'heure. Ça va peut-être délayer un peu, pas ces épisodes-là, parce que du coup j'aurai le temps de les monter avant, mais les prochains, c'est pas impossible que ça amène du délai. Oui, mais après, ça devrait pas être un délai incroyable. Non, je pense pas, ça va surtout dépendre de quand je récupère Internet, en réalité. Mais bon, il n'y a pas de raison que je passe longtemps sans Internet. Oui, voilà, une petite année, et puis voilà, c'est réglé. Ça va vite maintenant, pour installer la 2G. Des nouvelles, est-ce qu'il y en a autour des films d'attaque animale? Bah, il y en a toujours plus ou moins, il y en a toujours qui sortent, mais il n'y a pas de gros trucs oui, qui voilà. Semblent prévus. Donc, on ne va rien préciser. J'ai pas encore complété la liste avec les trucs qui nous ont été suggérés, notamment sur Discord. Mais je ferai ça, il n'y a pas de souci. Personne ne t'en veut, ne t'inquiète pas. Et il faut parler, je crois que c'est la nouveauté, on n'en avait pas parlé la dernière fois, du fait qu'on a un Ko-fi maintenant. Oui, autant effectivement. Dire maintenant, effectivement. Voilà, vous pouvez donner de la thune. Voilà. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Ça ne vous apportera aucun avantage concret à part de savoir que vous participez à cette merveilleuse aventure. Par exemple, imaginez que la prochaine fois on chope Lake Placid 3, et ben vous pourrez vous dire avec une larme d'émotion à l'œil que c'est grâce à votre argent qu'on a pu se prendre le DVD de Lake Placid 3 plutôt que de le regarder illégalement comme des gros sales. Voilà. Donc voilà, on mettra les liens dans la description. Donnez si vous voulez. Ne donnez pas si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas. Oui, voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est donner si vous pouvez avant tout. Oui, voilà, c'est ça. Nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est ce que vous choisissez. Voilà, et vous pouvez choisir soit un don unique d'un coup, soit de mensualiser ça. C'est aussi à vous de voir. Voilà. On commence à devenir des professionnels. Ouais, hein, c'est bien. Eh bien, on va se lancer dans Lake Placid Legacy, qui est, selon comment on compte, le cinquième ou le sixième film Lake Placid. Ouais, si on compte le Lake Placid versus Anaconda, c'est ça? Voilà, c'est ça qui a été fait juste avant. Et bon, on va spoiler le film. Après, il n'y a pas de surprise majeure dans le film, on va pas se mentir. Non, effectivement. Et c'est parti. There's like 28 different sites in the world that have been blacked out. Places people aren't supposed to know too much about. Well, somebody went through a hell of a lot of trouble to make this look like ground zero. What makes tracks like that? A bear doesn't have feet that big. Not too far from here. So what is it then? How the hell would I know? We need to get out of here. Come on, you son of a bitch! Donc, Lake Placid Legacy nous raconte l'histoire d'un groupe d'activistes écolos slash urbexeurs qui reçoivent un défi d'un de leurs plus ou moins amis qui leur dit de se rendre à Lake Placid pour explorer une sorte de centre abandonné, parce que visiblement il y aurait une récompense à la clé, sauf que quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que leur ami a visiblement disparu et est mort dans des circonstances potentiellement tragiques, et ils se rendent compte aussi qu'il y a un énorme animal qui veut tous les dévorer. Voilà. L'animal, c'est donc un crocodile, et le crocodile, c'est la première fois qu'on le rencontre, même si c'est relativement proche de l'alligator sur certains points. C'est une sous-famille du crocodilien. Les animaux, alors la taille des crocodiles peut varier beaucoup d'une espèce à l'autre, hein. Ça va de 1,5 à 6 mètres, donc c'est une grosse variation. Comme pour l'alligator, les mâchoires sont très puissantes pour se refermer, mais bien moins pour s'ouvrir, donc vous pouvez employer la même stratégie d'essayer de bloquer les mâchoires avec le bras. Vous risquez quand même d'avoir des problèmes. Oui. Selon les espèces, on les trouve dans beaucoup de régions du monde, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud, l'Afrique, sauf l'extrême nord et l'extrême sud de l'Afrique, l'Inde, le sud de l'Asie, l'Australie. En fait, ils ont besoin de régions chaudes et humides. C'est un animal qui peut vivre longtemps, jusqu'à 100 ans. Vache! Même les crocodiles marins fréquentent les eaux douces et ils résident principalement dans des eaux stagnantes, avec un système respiratoire adapté pour alterner entre être émergé et être immergé, ce qui leur permet, en plus de les déchiqueter, de noyer leurs proies en les plongeant sous l'eau et en les ressortant alternativement. Mmh. Et c'est un animal qui peut rester un bon moment sous l'eau, c'est même ainsi qu'il digère le mieux, a priori. Sa reproduction est aussi assez proche de celle de l'alligator, la femelle creuse un nid et monte la garde jusqu'à l'éclosion des œufs, qui arrive une centaine de jours après la ponte, et visiblement c'est la température du nid qui détermine le genre des œufs. Ah ouais ? Ah c'est rigolo ça. Ouais. Et donc, par contre, c'est des portées où il n'y a que des mâles ou que des femelles, si j'ai bien compris. Oui, du coup, oui. Ok, ah, c'est intéressant ça comme spécificité. Ouais. En différence avec l'alligator, ça a une gueule plus fine et visiblement les dents du bas, il y a deux dents du bas qui restent à l'extérieur chez le crocodile au niveau d'une échancrure dans la mâchoire supérieure. L'alligator a aussi une gueule plus arrondie. Bon, après, dans le feu de l'action, je pense que oui. Peut facilement confondre. Oui. Bah, ça, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, on se fait bouffer. Voilà. Je crois que le crocodile est pas mal plus dangereux, justement du fait que c'est opportuniste, ça attaque plus. Parce qu'on avait dit que les attaques d'alligator étaient en réalité assez rares, tandis que c'est moins vrai pour le crocodile. Le crocodile marin et le crocodile du Nil, qui sont les deux plus gros, sont pas mal meurtriers. Alors c'est difficile de comptabiliser parce que c'est dans des régions du monde où il n'y a pas forcément de traces de toutes les attaques, mais il y aurait potentiellement plusieurs centaines de victimes annuelles pour le crocodile du Nil. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. Oui, alors que l'alligator, lui, est plus... il attaque pour défendre son territoire. Ouais, c'est ça, ouais. Il va pas trop attaquer les humains sinon. C'est aussi en partie dû au fait que, à l'inverse de l'alligator, dans beaucoup de cas, le crocodile vit souvent très proche de régions habitées par des humains, donc forcément les rencontres sont plus fréquentes. Le crocodile du Nil, en fait, ça vit très très proche de zones habitées. Mm. Apparemment, le crocodile des marais est aussi pas mal meurtrier en Inde, et pour ces trois-là, il y a environ une attaque sur deux qui est mortelle sur un humain. Oui. Les autres espèces, par contre, attaquent beaucoup moins, et elles ont une létalité nettement plus faible. Mais globalement, c'est un animal plutôt à éviter. Oui, je peux comprendre, oui. Voilà, donc je pense que nous n'aurions pas de crocodile à domicile, hein. On éviterait. Non, voilà. Et n'en balancez pas dans les égouts si vous en avez un. Disons que l'idée ne m'a jamais vraiment effleuré l'esprit, quoi. Oui, voilà. Pour en revenir à Lake Placid, on reparlera du premier quand on le piochera, mais c'est un projet développé par son scénariste et producteur David E. Kelly, plutôt connu comme développeur de séries, c'est le développeur d'Ally McBeal, Big Little Lies ou Monsieur Mercedes, dont on a parlé dans un autre podcast. Ah bah c'est super. Ouais. Le premier film est réalisé par Steve Miner, il sort au cinéma en 99, et malgré des critiques déjà pas mal mitigées, il rapporte un peu d'argent. Alors c'est pas fabuleux, hein, pour un budget qui pourrait être jusqu'à 35 millions de dollars, il en rapporte 57 en comptant l'international, donc c'est déjà pas foufou en réalité. Et c'est pour ça que dès le 2 qui sort en 2007, la série passe au format téléfilm en fait. Il n'y a que le premier qui est sorti en salle, et dès le début c'est sur Sci-Fi, qui diffusera l'intégralité des films. Le 4 s'appelle The Final Chapter et il sort en 2012, mais il est finalement suivi par Lake Placid versus Anaconda en 2015, qui permet à deux sagas emblématiques de se réunir le temps d'un film. Puis donc ce Lake Placid Legacy, qui est un reboot de la saga, techniquement. Enfin, c'est pas net, vu que de toute façon, déjà avant, les films n'étaient pas non plus mortellement connectés les uns aux autres, quoi. De toute façon, il y a une règle dans le cinéma un peu horrifique, c'est que dès qu'il y a dans le titre le chapitre final, vous êtes sûr que c'est pas du tout le chapitre final. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que c'est quand même un truc qui est souvent vrai, ouais. C'est comme très souvent les films avec dans le titre révélation, bah il y a zéro révélation. Oui, j'ai l'impression que les Vendredi 13 ont fait à peu près tous ces trucs-là. Hein. Oui. Ah, même Halloween, il n'y a pas eu un Halloween chapitre final? Si, je crois, il y a peut-être même un Halloween révélation. Oh merde. Ah. Petite curiosité, ce Lake Placid est techniquement une production sud-africaine, malgré l'implication de Destination Film, une société filiale de Sony Pictures, et de Blue Eyes Pictures, une compagnie de production canadienne, mais qui a racheté en 2012 une compagnie sud-africaine, d'où peut-être ces liens, et aussi le fait que ça coûte beaucoup moins cher, je pense, de tourner en Afrique du Sud. Oui, il y a de fortes chances. Le réalisateur Darrell James Roots, il est donc sud-africain et actif depuis un bon moment, au moment de Lake Placid Legacy, puisque sa carrière débute dans les années 80. C'est lui qui réalise par exemple Place of Weeping en 1986, qui serait le premier film anti-apartheid sud-africain. Ok. Bon, perso, je doute que ce soit vraiment le premier, mais c'est comme ça qu'il est vendu. Il a aussi réalisé Serafina, abordant lui aussi le thème de l'apartheid avec Whoopi Goldberg en 1992, et c'est a priori un sujet qui revient plusieurs fois dans son cinéma, c'est aussi dans Pleure au pays bien-aimé, et il a consacré un biopic à Winnie Mandela, l'épouse de Nelson Mandela. Mm. En 2004, son film Yesterday est nommé à l'Oscar du meilleur film international, et c'est a priori le premier long-métrage en Zoulou. D'accord. Il avait déjà réalisé au moins deux films d'attaque animale. Un qui s'appelle Terreur dans la savane en 2007 avec des lions et dont le pitch rappelle beaucoup, beaucoup celui de Beast avec Idris Elba. Oui. Et il réalise aussi Safari, un film d'attaque animale en fun footage qu'on pourra rajouter à notre liste. Je crois qu'il n'y est pas encore. Ouais. C'est peut-être au moins intéressant. Un réalisateur dont on reparlera. Voilà. Ouais. Il a réalisé en 2004, sachez-le, l'immonde Dracula 3000. Ah, oui, est... effectivement, ouais, j'allais y venir justement. Qui est un très très très très mauvais film. Attention. En fait, globalement, à partir des années 2000, il y a quelques sursauts, mais il a l'air de réaliser de plus en plus de séries B, voire Z. Effectivement, Dracula 3000, et il y en a plein d'autres si tu regardes. Il a fait un film d'attaque de monstres aussi, qui du coup ne correspond pas à ce qu'on cherche. Mais voilà, sa filmographie a l'air de pas mal se dégrader. Il tourne beaucoup, par contre. Il a vraiment une grosse filmo, même si là, ouais. Ça s'est ralenti un peu. J'ai l'impression que maintenant, il fait surtout des séries Z et que des fois, quand il a le budget ou la motive, je sais pas, il fait un truc un peu plus prestigieux, peut-être. Un peu ouais. Plus personnel, en tout cas. Comme quoi, je pense faire des films plutôt orientés politiques, bah, ça rapporte pas, quoi. C'est surtout oui, ça, le clairement, problème. Ouais. Quand tu regardes son début de carrière, c'est beaucoup concentré sur ça. Ouais. Du cinéma un peu politique, alors de la région d'où il vient, forcément, typiquement Afrique du Sud, mais plutôt politique. Oui, ouais, mais c'est grand l'Afrique du Sud, c'est un grand marché normalement quand même. Oui, oui, c'est vrai. Mais je sais pas, après peut-être que ces films sont nuls, hein, on les a pas vus, ils peuvent partir d'une bonne intention et être quand même tout pourris. C'est pas faux, oui. Le scénariste est Jonathan Lloyd Walker, qui est plutôt acteur normalement. À côté de petits rôles, il est par exemple dans les séries Flash Gordon ou Snowpiercer. Et comme scénariste et producteur, il est pas mal impliqué sur Van Helsing, dont il devient showrunner sur les saisons 4 et 5, ou sur Continuum. Pour imaginer l'histoire de Lake Placid Legacy, il a été entouré, parce que c'est quand même un peu profond quoi, comme histoire, faut mieux dire. Oui. Donc il est en compagnie de Matt Venable et Jeremy Smith, qui sont aussi sur Continuum et Van Helsing, et qui sont les deux créateurs d'une série appelée Gen Zeroes, financée par des NFT et qui semble introuvable. J'ai trouvé une interview d'eux, une seule, où ils essaient de me convaincre que les NFT, c'est pas toujours une arnaque. Essayez encore, les gars, je vous écoute. J'avais commencé Continuum à l'époque. C'était une série de SF. Il me semble que c'est américano-canadien. Oui, oui, c'est ça. Il y a une bonne partie de l'équipe qui est canadienne. Et de mémoire, c'était pas trop mal. C'est surtout que, bah, forcément, pas trop le temps. Parce que les séries télé, bon, bah, ça bouffe du temps, quoi, forcément. Ouais. Mais de ce que j'en avais vu, c'était pas si mal que ça. Par contre, la série Balancing était horrible. Dommage. Voilà. Et il y en a un paquet de saisons, il y en a 5 saisons de Van Helsing, je crois, en plus. C'était le point série télé. Mais il me semble que Continuum aussi. Ouais, c'est assez long aussi, j'ai moins fait l'attention, mais oui. Leur série en NFT, par contre, il n'y a eu qu'une saison. Et encore, comme je disais, je suis pas sûr qu'elle soit sortie. Hein. Ouais. Un peu la misère. Elle est en NFT, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au casting, Jade, qui est la fille principale du groupe des activistes, on va dire, elle est interprétée par Catherine Barrel, une actrice dont le crédit le plus important en tant qu'actrice est dans la série Winona Earp, une série western fantastique de sci-fi également, donc elle était déjà dans la galaxie sci-fi. Elle a aussi, une activité de productrice et réalisatrice, très majoritairement sur des courts-métrages pour le moment. Ouais, elle a joué dans énormément de rom-com de Noël. Hein. Vache. Oui, bah ça rapporte. Hein. Écoute, faut ouais. Bien occuper son mois de juillet. Bah ça rapporte. Puis pour peu que ça passe à la télé, bah t'as une chance que ça passe sur une chaîne au moins tous les ans, quoi. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de films avec des chiens. Du coup, je les regarderai pas. Je regarde que les films de chiens de Noël. Sa sœur Alice, qui est une journaliste qui suit le groupe, est interprétée par Sy Bennett, qui a eu un rôle récurrent dans une série appelée Mr. Selfridge et dans The Spanish Princess sur Catherine d'Aragon, l'épouse d'Henri VIII. Ça a l'air vraiment très romancé, cette histoire-là. Ouais. Et la même année que Lake Placid Legacy, elle est dans Les Prochaines Returns. Et il y a pas mal de gens hein, de l'équipe qui ont fait un tour à un moment sur Les Prochaines Returns. Ouais, bah c'est pas très bien. Pousse. C'est-à-dire que Les Prochaines de base... oui. C'est pas foufou quand même. Hein. Ah oui, non, c'est pas une saga très incroyable. Quoi. Sam, le leader du groupe des activistes, est interprété par Tim Rosen, lui aussi un des rôles principaux de Winona Earp, et aussi auparavant dans les rôles principaux de Ma vie de star entre 2004 et 2008, donc quand il était vraiment jeune, et en simultané, Bienvenue à Schitt's Creek. Depuis, il a été le rôle principal de Surreal Estate sur des agents immobiliers qui s'occupent des maisons hantées que personne ne veut acheter. Le résumé est un peu rigolo, après je sais pas ce que veut la série. C'est vrai. Il a joué dans End of the Line, qui est vraiment un plutôt bon survival horror qui se passe dans le métro. Voilà. D'accord, je le connais pas, j'y avais pas fait gaffe à celui-là, je note. Je vous l'indique. C'est gratuit, prenez. J'ai vu qu'apparemment il a joué dans le remake de Terror Train. J'ai pas vu, hein, mais j'aime bien l'original. D'accord. Le geek du groupe, Billy, est interprété par Luke Newton, qui a eu des rôles importants dans les séries The Cut, The Lodge et Bridgerton. J'ai l'impression que Bridgerton, surtout, a beaucoup participé à sa renommée, vu que la série a un vrai gros succès. Et il semble aussi jouer régulièrement au théâtre. Ok. Spencer, le connard du groupe, je trouve pas qu'il ait tellement d'autres fonctions, est joué par Craig Stein, qui a surtout des rôles très secondaires, régulièrement comme danseur sur des projets musicaux divers, et qui fait aussi du doublage. Ok. Il a un site personnel où il se survend. Voilà. Il a l'air quand même d'être abonné chez Disney depuis quelques années. Oui, mais comme danseur. Voilà, il danse chez Disney, écoute. Tu fais ce que tu peux. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est notamment dans les... dans Mary Poppins, dans La Petite Sirène. Ouais. Le remake live. Hein. Oui, oui. Il n'était pas dans les... dans les Wicked. Oz, là. Wicked, ouais. Ouais, il y est. J'ai toujours pas vu ces machins-là. D'une certaine façon, ça me tente. Pour ce musicalement, ça a l'air pas mal. Mais ah, ces machins-là. Visuellement... Non, mais visuellement, c'est dégueulasse, quoi. Rien qu'à la bande-annonce, je trouve. Ah bah, c'est de la... C'est de l'effet numérique tout partout. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, le seul truc qui me donne un peu envie dedans, c'est Jeff Goldblum, quoi, la présence de Jeff Goldblum en tant que magicien, quoi, que le magicien d'Oz, justement. Ouais, et puis les musiques sont cool pour le coup, et il paraît que l'histoire est surtout du premier. Apparemment, le 2 est un peu moins bien, mais déjà dans la comédie musicale. Mais l'histoire a l'air plutôt intéressante, d'un tour intéressant sur la question, mais bon. La flemme de me taper 5 heures oui, voilà, c'est ça, en fait. D'une photographie numérique dégoulinante, quoi. C'est la durée, quoi. Ouais. On vous en parlera quand on les verra. Ouais. Dommage que les singes volants n'existent pas, on aurait pu le mettre en attaque animale. Est-ce qu'ils attaquent, au moins? Je sais pas, mais il me semble qu'ils sont méchants. Je sais plus. Je me souviens que dans le film Safari, avec Cadmerad, il y a des singes à couilles bleues. Voilà, c'est un souvenir qui vient de remonter, là. Ouais, bah Cadmerad, entre les singes à couilles bleues et les pieds, voilà, quoi. Regardez Papa Mobile, hein, toujours un des films de l'année. Ouais, mais que... Allez, on fait une parenthèse. J'ai quand même du mal à le considérer comme nanar. Hein. Pour moi, c'est quand même plus un mauvais film. Alors moi, au deuxième visionnage, il m'a plus fait rire qu'au premier. Mais... Ah bon ? Et puis, je l'ai jamais regardé seul aussi. Ça aide. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai regardé seul, la première fois. Ouais, non, à plusieurs, c'est mieux quand t'as tout le monde qui est ébahi devant ce qu'il regarde. Et quand tu l'as déjà vu et que tu sais ce qui va venir et que tu peux, tu vois, teaser les gens. S'il y a un truc qui marche un peu. Tu l'as déjà vu deux fois, quoi, mais t'es vraiment... Mmh. Y a personne pour voir Wicked, mais par contre, Papa Mobile... Ah bah, ça dure qu'une heure vingt, hein. C'est vrai. Bon, deux Papa Mobile, c'est qu'un seul Wicked. C'est vrai, même pas en plus. Même pas, ouais. J'ai l'impression que c'est 2h50, le premier. Revenons au casting de Lake Placid Legacy. Penny, qui est une des guides, est jouée par Alicia Bailey, dont le rôle le plus important actuellement semble être dans la série Save Me, mais elle a pas mal de crédits quand même, plus dans des seconds rôles. Ouais. Travis, l'autre guide, est joué par Greg Crick, qui tourne beaucoup, souvent dans des petits rôles, mais il a quelques premiers rôles à son actif quand même. On peut mentionner sa présence au casting du premier Rebel Moon. Voilà. Ouais. C'est un gros truc, on va dire ça comme ça. On le reverra dans Rogue. Voilà. Y a un film, le spin-off d'Harry Potter ? Non. Non, un film d'attaque animale avec Megan Fox. Oui, non, mais en plus, je vois ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Moi non plus. Je ne l'ai pas vu. Et la joue dans Trémor. Ah, j'avais pas vu ça, tiens. Enfin, dans un Trémor, hein, celui de 2018. Ah oui, donc c'est le dernier Trémor. C'est, c'est pas un reboot aussi, ça, d'ailleurs ? Non, je crois pas, parce qu'on retrouve encore le personnage de l'autre maniaque des armes, là. Oui, mais ça, c'est peut-être le multivers, tu vois, il revient... Dane, le gars qui les amène dans cette galère, est joué par Maxime Baldry, qui a commencé sa carrière dans Les Vacances de Mr. Bean quand il était enfant. Il a fait un passage par le soap opéra Hollyoaks, et depuis, on peut mentionner qu'il est dans Les Anneaux de Pouvoir, la série, il joue Isildur. D'accord. Quand même un assez gros truc. Et il est aussi chanteur du groupe de rock Terra Twins. Je ne suis pas allé écouter, je n'ai pas eu le temps. D'accord, je ne connais pas non plus. Anderson, enfin, est joué par Joe Pantoliano, la star du casting, je suppose. Ouais. Oui, si, de fait. Oui. C'est le gros nom. Non, mais de même que n'en touche pas à mon biniou, la star du casting, c'est Sim. Après, est-ce que ça veut dire que c'est une star dans l'absolu ? Ça, oui. Je laisse chacun juge, mais... Après, c'est vrai que mon Letterboxd m'indique que j'ai quand même vu 11 films dans lesquels il joue. Ah. Tu vois, c'est pas si mal. Ouais. Après, tu me diras si tu regardes Mémé qui crache du lait des Troublesome Night, tu l'as vu dans 19 films. Mais... c'est vrai. Mais donc, Anderson, c'est quand même Cypher dans les Matrix. C'est le capitaine de police dans les Bad Boys. Hein, toujours une des meilleures sagas de films de tous les temps. Hein, Bad Boys 2, vraiment le grand cinéma expérimental, un peu grand public. Ah oui. Il est dans Memento, dans Daredevil. Et bon, il a fait des trucs un peu plus prestigieux quand même. Il a joué dans Les Sopranos, dans une seule ou deux saisons, je crois, quand même. Et dans Sense8, visiblement, il est quand même bien avec les Wachowski. Ah, dans Midnight Run aussi, un film que tu me dis du bien depuis longtemps. Ah oui, effectivement, il est dans Midnight Run, qui est un excellent buddy movie. J'ai toujours pas vu. Il va falloir que je rattrape ça. Le tournage du film, j'ai pas beaucoup d'informations dessus. Hein. Je trouve assez peu d'interviews récentes du réalisateur, et même dans celles qui sont postérieures au film, il ne mentionne jamais Lake Placid Legacy. ça aide pas. Le tournage se fait cependant en décembre 2017, a priori, aux alentours de Cape Town. Le directeur photo est Trevor Calverley. Son site indique qu'il a été nommé plusieurs fois au SAFDA, S-A-F-D-A, mais les SAFDA en Afrique du Sud, c'est un programme de développement de l'agriculture, ce qui est très sympa, mais ça nécessite assez peu l'intervention de directeur photo. Je pense que c'est une faute de frappe et qu'en réalité, il voulait écrire SAFTA, South African Film and Television Awards, pour lequel il a en effet été nommé, et ce qui correspond un peu plus à sa spécialité, mais se planter sur sa présentation officielle dans son site personnel... La loose, gars, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas très glorieux. Lui aussi, il est sur les Prochain Returns. C'est pas pour ça hein, qu'il a été nommé au SAFTA. Et globalement, il semble plutôt très actif à la télé et au cinéma. En 2015, il était directeur photo d'un film de requin intitulé Shark Killer. Donc, sur l'affiche, il y a un gars avec un énorme harpon et une très grosse explosion derrière. C'est sans doute très très bien. Ah, mais vivement. Mais tu vas voir qu'on va commencer à taper dans des... Dans des trucs genre Shark versus Ninja ou des trucs comme ça, tu vas voir. ouais, je vais voir ça. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Les effets spéciaux sont d'Anthony Stone, qui coordine aussi les cascades, estimant que les deux sont liés. J'ai vu sa bande démo, il a l'air surtout spécialisé dans les trucs qui explosent. Il a aussi travaillé avec le même réalisateur sur d'autres films, ainsi qu'avec Uwe Boll sur Darfour ou Bloodreich, par exemple. Oh là là là. Alors, Darfour, je ne l'ai pas vu. Bloodreich, c'est honteux. Hein. Je ne l'ai pas vu, je crois, celui-là. Bloodreich, c'est quoi ? C'est un spin-off à Bloodrain ? Ouais, tout à fait. Ah, c'est ça, en plus, vraiment ? Oui, c'est tout à fait un spin-off à Bloodrain, où il réutilise des images de son documentaire sur la Shoah. Ah. Ouais, parce qu'il les a tournés en même temps et il a fait un troisième film en même temps, je sais plus lequel. Et du coup, il réutilise des images des uns dans les autres. D'accord. Voilà, Uwe Boll dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Ouais. Il est en train de financer 23 ans plus tard la suite de House of the Dead. Évidemment, c'est pas du tout opportuniste hein, avec un titre comme ça. Oui, je m'étonne. Et sur le financement participatif, il y a une des contreparties si tu donnes assez d'argent ou c'est qu'il te recrée en zombie dans le film via l'IA. Waouh. Voilà. Putain, allez. N'est-ce pas hein. Aux effets spéciaux, il y a aussi Rory Mark qui, dans ses crédits comme responsable de SFX, n'a pas grand-chose qui a l'air glorieux. Il est aussi sur les prochaines Returns et dans Un Safari pour Noël. Alors, par curiosité, j'ai vérifié si c'était éligible en tant que film d'attaque animale parce que ça m'aurait quand même bien fait marrer, mais j'ai pas l'impression. Dommage. Ouais. La musique est de James Matthies et Andreas Smith. Le premier, c'est le CEO de Music Agency Africa et puis... et ou de Pressure Cooker Studios. Alors, c'est pas très clair sur est-ce que c'est deux studios séparés ou est-ce que Pressure Cooker Studios est le nouveau nom de Music Agency Africa. Et le deuxième, Andreas Smith, c'est un de ses employés. Ils ont travaillé, par exemple, sur Slumber Party Massacre ou, quelle surprise, les prochaines Returns. Waouh. Ils font des musiques pour des séries, films et autres projets et de la musique au maître avec plein d'albums aux images générées par IA. Ils sont aussi, par exemple, sur la série Skimmerground, que je mentionne pas parce que je la connais, mais parce que c'est un de leurs plus gros trucs. Ils ont fait des centaines d'épisodes dessus. D'accord. J'ai trouvé une interview d'Andreas Smith où il développe son processus de création avec beaucoup de passion pour ce qui semble être son travail le plus épique. Attention, une pub pour un burger sud-africain basé sur le premier film Black Panther. Oh. Bon, la pub dure 1 minute 30. J'imagine que c'est épique. Il explique avoir voulu créer un son très africain et avoir fait plein de recherches et de retouches. J'ai vu la pub, c'est une musique générique de Marvel Naz. Ouais. Et la musique de Lake Placid Legacy, on dirait du sous Hans Zimmer. C'est Naz. Oui, on est d'accord. C'est vraiment, j'ai rien d'autre à en dire. La première diffusion a donc lieu le 28 mai 2018 sur Sci-Fi avant une sortie en DVD peu après. Les critiques, il y en a certaines qui disent que c'est un peu meilleur que les précédents. En tout cas, il est signalé qu'il a une approche plus sérieuse. Alors après, ça, l'approche plus sérieuse, il y en a aussi qui le reprochent en disant que vu que les Lake Placid jusqu'à présent avaient ce ton comique pour les identifier, au final, si tu veux un film d'attaque de crocodile sans ce ton comique, bah, tu obtiens un film d'attaque de crocodile, pas un Lake Placid. Oui. Ce qui se tient comme justification. Oui, je suis d'accord. On dit aussi qu'il montre moins le crocodile par rapport aux autres. Bon, vu la gueule du croco, est-ce que c'est vraiment un mal ? Ouais, oui, c'est ça. Il y a quelques retours qui disent que c'est un peu divertissant pour son genre, mais ça reste rare. Hein. La plupart du temps, les retours sont quand même très mauvais. Et actuellement, sur Allociné, il a 1,2 étoiles. Sur Rotten Tomatoes, il n'a pas de score de fraîcheur, parce qu'aucune critique ne s'est intéressée à ça. Et il a 14% sur le Popcom Meter. Et il est à 1,7 étoiles sur Letterboxd. Dans tous les cas, ça le place bon dernier de notre classement actuel. Sur Rotten Tomatoes, ça lui fait un écart de 56 points par rapport à Isolation qui le précède. Je crois qu'on peut appeler ça une défaite. Ah oui, là, par chaos. Vraiment. Ouais, là vraiment, c'est la loose, les gars. Bien trop joué. Fort. Wow, il s'en est fallu de peu, hein. Mais on s'en est tiré, pas vrai ? Les journalistes parlent d'un acte d'éco-terrorisme. Maman en serait malade. Parce qu'elle nous a pas élevés comme ça. Elle voulait qu'on devienne des femmes fortes, avec des convictions. Qui enfreignent la loi. Qui défient l'autorité. Allez, Alice, me dis pas que notre action n'était pas justifiée. Ça valait le coup rien que pour l'adrénaline. Il faut que j'appelle mon rédac-chef. Pour lui dire que j'ai vécu le truc en immersion. Dis, on compte sur toi pour pas citer nos noms dans ton article. J'ai rien contre l'idée de devenir célèbre, mais je préfère garder mon anonymat trop un des bois. Ton secret sera bien gardé. Je protège toujours mes sources. Même celles qui se la racontent à mort. Oh. Oh merde, ça va vachement me manquer tout ça. Comment ça va te manquer? Demande à ta sœur de t'expliquer. Hein, Jade? Où dois-je dire Yoko? J'ai jamais demandé à ce que le groupe se sépare, seulement... il est temps qu'on passe à autre chose. Sinon, on va finir par se faire choper. C'est gros comme une maison. En raccrochant maintenant, on peut se dire qu'on est arrivé au sommet. Au sommet de quoi ? Du classement. Chaque endroit qu'on est les premiers à explorer nous rapporte un certain nombre de points. Wenoko nous en a rapporté 32. Bon. Donc, c'est la fin de l'aventure. Alors c'est pour ça que tu m'as appelé. T'avais besoin de quelqu'un pour en écrire le dernier chapitre? Notre faire-part de décès, plutôt. Le groupe n'est pas mort, Spencer. On va se consacrer à des activités militantes légales. On va écrire des pétitions, faire des manifs. Ça va déchirer. T'oublies juste un petit détail, Jade. Ce genre d'activité légale, ça coûte bonbon. Et bon, on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute, Like Place Legacy. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était de la bonne grosse merde. Voilà ce que j'en ai pensé. Ah, c'était pas bien. Les personnages sont très mal écrits et ils prennent tous des décisions totalement absurdes et ubuesques. Bah, le croco, on l'a dit, hein, il est ultra mal fait et effectivement, il apparaît très peu. Et bon, visuellement, du coup, on comprend pourquoi il apparaît peu, mais c'est vrai que du coup, ça fait étage. Il y a vraiment des moments où tu te dis, mais où est le crocodile, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des crocodiles dans votre film de crocodile? La musique est nulle. Il y a un problème qu'on évoquera souvent, je pense, dans le film. Il y a un gros souci de spatialisation dans le film. Vraiment, entre oui. La zone boisée, entre le bâtiment dans lequel ils sont, l'extérieur. Vraiment, il y a plein de moments où tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont? Je ne comprends pas. Du coup, t'as l'impression que le crocodile, vers la fin du film, se téléporte, vraiment. Et voilà, puis on abordera tous les autres soucis, mais c'est très mauvais. Ouais, bon, je suis globalement d'accord. Alors après, est-ce que c'est parce que vraiment je m'attendais à une catastrophe? J'ai trouvé ça nul, mais moins catastrophiquement nul que je ne l'avais prévu, tu vois. Donc, oui. Est-ce que ça en fait une bonne surprise? Je dirais pas forcément jusque-là, mais c'est nul comme le sont énormément d'autres films d'attaque animale, et je pense hélas que c'est pas le plus bas du panier. Non, je pense qu'on aura pire, oui. Ça pose presque un truc intéressant en mettant des protagonistes qui sont activistes et écologiques, mais ça va pas du tout l'exploiter. En fait, très vite, c'est un groupe lambda dans un contexte lambda qui affronte un crocodile lambda. Effectivement, le crocodile, ne pas le montrer beaucoup, bon sang, on sait que ça peut très bien marcher, hein. Il y a quand même beaucoup de films d'attaque animale qui l'ont prouvé. Mais là, ce n'est pas le cas parce que tu as tout à fait raison sur ce problème de spatialisation. On ne sait jamais exactement où on est dans l'espace et c'est encore plus frappant quand les personnages se séparent et que des fois, ils ont l'air proches les uns des autres sans qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est ça. Il y a des personnages qui sont assez insupportables. En fait, ils sont soit transparents, soit insupportables. On a le choix. Et au final, arrivé à la fin du film, j'ai pas du tout compris le pourquoi des expérimentations sur les crocodiles géants, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait des crocodiles géants? Soi-disant pour sauver le monde, mais j'ai pas compris de pourquoi non plus. Oui, mais c'est ça, le lien est pas net quand même. C'est en quoi un crocodile géant, ça sauve le monde? C'est des expérimentations, ils savent, tu peux pas comprendre. Ouais, ça, on va dire ça. Et pas scientifique. Et scientifique ou pas? Non, bon, ça doit être pour ça, en effet. Donc ouais, c'est nul, ça se regarde avec pas mal d'ennuis. En plus, comme c'est destiné à une chaîne qui est censée être quand même... qui fait quand même des trucs qui sont censés rester relativement grand public, au final, ça va beaucoup s'auto-censurer sur le gore. Ouais. Au bout d'un moment, c'est un peu pénible quand même que t'es systématiquement un noir, un truc comme ça, quand quelqu'un se fait boulotter. Oui, ou que ça soit hors champ, voilà. Ouais, voilà. C'est j'ai l'impression que le film veut te faire croire qu'il est gore, mais qu'il ne l'est pas du tout. Au bout d'un moment, faut faire un choix, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est pas bien. On entre un peu plus dans les détails? Ouais, parce que c'est pas bien, mais on va quand même vous décrire ça sur l'heure et demie que ça dure, quoi. Voilà, ça vous évitera de le voir. En plus, c'est tout bénef. Vous voyez quand même comment on est courageux, quoi. Ouais. Le début du film, encore, s'ouvre sur, comme tu le disais, quelque chose d'intéressant, parce qu'on suit vraiment des éco-terroristes, en fait, tout simplement. Comme ça que le gouvernement les appellerait, en tout cas, et les appelle, d'ailleurs. Qui s'infiltrent dans des locaux pour mettre des banderoles, pour accrocher des banderoles, en fait, sur les bâtiments administratifs de grosses compagnies qui font des expériences et qui, surtout, polluent. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise qui pollue la nature environnante dans laquelle ils sont au tout début du film. Donc ça, c'est mal fait, c'est mal filmé, c'est déjà très mal écrit en termes de personnages, mais le postulat de base aurait pu, notez bien le « aurait pu », être intéressant pour le coup. Oui, je suis d'accord. En fait, les trucs qui, moi, vont me poser problème dans cette scène d'intro, outre qu'il y a déjà les problèmes de spatialisation, C'est, c'est en fait dès le début, ils disent qu'ils ont 3 minutes pour faire l'intégralité de leur parcours. Or, le bâtiment a l'air vachement grand. Et quand ils arrivent au dernier étage en étant partis du sous-sol, il y a 1 minute 30 qui est passée. Tu vois, t'as ce genre de trucs qui sont pas crédibles du tout. Oui. Quand même. Et c'est. Alors, une banderole, c'est bien hein, comme truc activiste, mais c'est quand même vachement d'effort, j'ai l'impression, juste pour accrocher une banderole. Oui. Tu vois, ils ont l'air un peu étranges en tant qu'activistes. Mais en effet, ça pose des personnages qui auraient pu être intéressants. Et surtout, ça aurait pu leur donner une motivation à se rendre dans l'île, après, vu qu'elle est le lieu d'expérience. Sauf que ça, ça va pas être tellement exploité, vu que ce qui va les amener sur l'île, c'est leur pote qui leur lance un défi. Oui, c'est ça. Au moment où eux veulent arrêter, justement, leur entre parenthèses, délire du Orbex slash éco-terrorisme. Ils veulent arrêter, mais ils reçoivent une vidéo... de leur pote, comme tu dis, qui leur dit hey, j'ai entendu dire que vous voulez arrêter, vous voulez pas vous lancer d'abord dans ce projet un peu foufou qui va vous rapporter gros. En gros, voilà, c'est ça, la motivation. Oui, soit dit en passant, vachement original, hein, le coup du groupe qui veut s'arrêter et qui doit faire un dernier coup. Oui, non, oui, on est d'accord. Non, mais surtout, ça les rend, je trouve, encore plus, détestables qu'ils ne peuvent l'être, parce que. On te les vend comme des éco-terroristes, et au final, la motivation, c'est la thune, quoi. Dis, bah, comment ça, les gars? Ouais, ils avaient un bizarre système de points pas très clair, aussi, pour aller de faire des trucs, accrocher des banderoles. Enfin, effectivement, il y a quelque chose de pas net, en fait, dans leur motivation. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute la première partie, là, où ils vont accrocher leurs banderoles, c'est entrecoupé de scènes où... Sur l'île, avec le croco, il y a un mec qui se fait courser par le croco, sans que jamais on le voit, mais on comprend. Oui. On peut dire que ça se passe dans un centre technologique tel qu'on en filmait un, mais dans les années 80, quoi. Il y a des trucs qui font des loupiottes partout. Oui, c'est un peu ça. Mais donc voilà, leurs potes leur lancent un défi. Ils sont suivis par la sœur donc d'une des membres du groupe qui veut faire un reportage sur eux pour percer, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Et alors, le défi que lance le Dane à Sam, c'est quand même totalement en mode « Ouais, mec, tu vas pas te laisser affaiblir par ta meuf, t'es oui, un alpha, tu vas à l'aventure, quand même. » Ça aussi, ça les rend pas particulièrement aimables, tous ces gens-là. C'est ça. Et puis même la séquence d'après, hein, donc quand ils arrivent sur l'île avec leur guide, là, leur guide, ils essaient de se renseigner, mais à chaque fois, ils les rembarrent et ils leur font comprendre qu'ils vont faire de la merde. À ce moment-là, déjà, t'es du côté des guides qui leur disent « Mec, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez !» Ah oui, on est complètement du côté des guides. Même si les guides, à un moment, vont dire « Nous ne sommes pas responsables en cas d'activité illégale, nous, on est juste des employés. » Ouais, si, quand même, à partir du moment où vous suivez, vous êtes responsable en cas d'activité illégale. Il y a un moment, faut pas déconner. Oui. À noter aussi que l'urbex, ça a une définition, quoi. Aller dans un bâtiment déjà encore occupé qui appartient à une entreprise pour suspendre une banderole, ou aller en plein milieu de la nature sur une île, c'est pas du tout de l'urbex. Hein. Ah oui, non. Ça peut être très sympa, je dis pas, mais c'est pas de l'urbex, ça c'est... Au bout d'un moment, les mots ont un sens. Ah oui, voilà. Normalement, c'est aller explorer un endroit désaffecté, quoi. Ouais. Ah, encore, te rendre sur une île où il y a que dalle, ça peut être considéré, si tu t'attends à trouver des vestiges d'anciennes habitations ou quoi, à la rigueur. Ouais, dans ce cas-là, oui, mais là, au début, ils s'attendent à trouver une mine, au mieux, oui, pas voilà. Vraiment des bâtiments. C'est ça. Mais apparemment, donc, la mine annoncée n'existe pas vraiment, et il y a une rumeur comme quoi des déchets toxiques auraient été renversés dans le lac, enfin comme quoi c'est une zone sur laquelle il ne faudrait pas entrer. Mais le complexe a l'air d'être un faux, il n'y a pas de traces de radiation, ni de rien, enfin voilà. Ouais, y a juste une grille qui bloque l'accès, et voilà. C'est le moment de faire une blague à la Jurassic Park. Hein. Sur l'électrocution, là? Voilà. Ouais. Alors, c'est vers ce moment-là que je note pour la première fois que Spencer est insupportable. Mais bah, déjà, c'est et un gros lourdeau avec les femmes, déjà. Oui. Il fait des réflexions ultra sexistes et rentre dedans depuis le début du film. Voilà, il veut se taper tout ce qui bouge, on a bien compris. Bah, et puis même, il passe son temps à critiquer les autres, à les attaquer, aussi. Il sert à rien. Au bout d'un moment, pourquoi il fait partie du groupe, quoi? Qu'est-ce qui l'amène au groupe, à part qu'il râle et qu'il rabaisse tout le monde? Et puis surtout que tout le monde passe son temps à lui dire de fermer sa gueule, donc c'est que tout le monde le déteste en fait. Oui, c'est ça, tout le monde a conscience que c'est juste un emmerdeur. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Ils arrivent donc sur une rive de l'île où ils se rendent compte qu'il y a tout un équipement un peu de chantier ou pour transporter des équipements lourds, donc comme si le site était plus important que ce qu'on leur avait dit à première vue. Et ils vont commencer leur exploration et trouver le campement de Dane, mais qui a l'air abandonné et en mauvais état. Oui, effectivement, avec la tente complètement défoncée, et surtout ils retrouvent un téléphone sur laquelle on a filmé une vidéo, et la vidéo, enfin, il y a plusieurs vidéos, la première, tout se passe bien, et la seconde, on comprend qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, quoi. Ouais, qu'il y a une partie de l'équipe qui est morte, apparemment, sur Dane qui se fait attaquer. Voilà, qui se fait attaquer par on ne sait quoi, parce qu'on ne le voit pas, mais voilà. Alors là, l'emmerdeur, là, lui, il pense que c'est un hoax, il pense qu'on lui fait une blague. Et à la limite, avec juste la vidéo... Pourquoi pas, tu vois? Oui, oui, oui. Surtout que Dane a l'air d'être un bon connard, lui aussi. Voilà. Admettons. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Alice. Quelque chose ou quelqu'un a été déchiqueté. Putain, c'est pourtant évident. Vous voyez pas ce que c'est? Ah, parce que toi, tu le sais peut-être. C'est un coup de Dane et de ses potes. Ils ont monté ça de toutes pièces, ils se foutent de nous. Qu'est-ce que tu racontes? Un petit effort, réfléchis deux secondes, l'intello. Le camp sans dessus-dessous, le sang partout, la vidéo flippante. Tout ça, c'est bidon. T'as raison depuis le début, Jade. Dane se paye ta tronche, Sam. Les 100 000 dollars n'existent pas. À tous les coups, il est planqué en train de nous filmer. Hé, hey, Dane! Sors de ta planque, connard, ça prend pas avec moi! Spencer a raison, c'est certainement un canular. C'est bien son genre. Dane! Ok. T'as gagné. Je pars à ta recherche. Je vais suivre la traînée de sang à la con et je vais te trouver. Et je te jure que ça va chier grave. Spencer. Attends. Non, mec. Spencer. Attends, vieux. Super hommage au grand classique du cinéma d'horreur. Il manque rien. La caméra qui tremble de trouille. Les narines dilatées par l'épouvante. Vas-y, montre-toi, Dane. J'entrerai pas dans ton petit jeu. C'est une empreinte de quoi, ça? D'ours? Les ours n'ont pas des pattes aussi énormes. Putain, mais c'est gros comme une maison, c'est un coup de Dane! J'en sais rien. Billy? Elle semble bien réelle. C'est la patte d'un quadrupède qui a une queue. Un quoi? Je dirais un reptile. Sans déconner. C'est sûrement une empreinte de Yeti! Ou carrément le monstre du Loch Ness pendant qu'on y est, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Billy Lafrance? Tu veux arrêter de jouer au con? Touche-moi encore, tu vas voir! Toi, me touche pas! Stop, me filme en train de t'arracher la tête, ça ferait des millions de vues! Spencer, tu vas trop loin. Ah ouais? Ça suffit. Après, le truc, c'est qu'il y a les signes qui vont s'enchaîner et il va rester très longtemps sur son idée de blague. Disons que la grosse patte, la grosse trace de patte, au bout d'un moment, tu peux te poser des questions. Après, les espèces de viscères humains là, qui sont répartis un peu partout, bon, ça fait très farce et attrape. Mais ça, c'est parce que le film n'a pas de budget. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai que quand tu lèves la tête et que tu vois un mec coupé en deux dans un arbre, là, tu te dis « Ah, finalement, c'est peut-être pas une blague. » Ouais, tu sais, il s'entête beaucoup trop longtemps quand même à ce stade-là. Et donc, je continue à noter en majuscule maintenant que Spencer est insupportable, effectivement. Effectivement, il retrouve un cadavre dans un arbre dont il manque toute la moitié inférieure. Donc a priori, lui, on pourra plus faire grand-chose pour lui. Ah, c'est le croco qui a joué, il a jonglé un peu, et puis voilà. Oui, comment il se retrouve aussi haut dans l'arbre? Il l'a coupé, et puis, je sais pas, il a joué avec. Ouais, mais ça monte aux arbres, les crocos, parce que là, il est à 5 bons mètres de hauteur, le gars. Non, je pense qu'il l'a balancé. Ah ouais, peut-être. Ouais, ça a peut-être suffisamment de force pour ça. Moi, ça me paraît dubitatif, mais... Enfin, ça me paraît douteux, mais bon. C'est pas un croco très, très normal. On le verra... C'est pas faux. Mais bon, ça excuse à peu près tout, hein, si tu utilises cette excuse-là. Eh ben, écoute, je fais ce que je peux. Donc, après ça, il panique. Ouais, Il retourne voir les guides pour se barrer. Au moins, on peut mettre au crédit du film qu'ils essaient de fuir. Ça n'a pas marché, mais au moins, ils s'entêtent pas à un moment. C'est vrai. Sauf que là, côté guide, ça panique. L'autre, sans faire trop exprès, il active l'hélice du radeau. Donc forcément, il perd le contrôle, il se barre au large. Et il entraîne avec lui sa pote sans le vouloir parce qu'il y a une corde qui s'enroule autour de son pied. Comme c'est dommage. Ouais. Et là, c'est là qu'on sait qu'il y a un croco. Ouais, parce qu'il va détruire... on va avoir un premier plan sur lui et il va détruire le bateau. Voilà. Et donc on se retrouve avec trois personnages à l'eau, les deux guides, Penny, Spencer et Sam qui plonge à l'eau pour aider Penny à revenir. Travis, l'autre guide, pardon, je crois. Mais en fait, on voit quasiment rien. Enfin, la scène est très confuse. D'une part, pour pas montrer le gore, mais même au-delà de ça, on voit pas grand-chose. C'est pas clair d'où est le croco par rapport au personnage. Bah, disons qu'à un moment, tu as un plan vraiment où le croco, tu vois qu'il est sous l'eau, mais vraiment sous l'eau. Enfin, et profond, quoi, dans le lac. Et le plan d'après, t'as le canoë qui est réduit en bouillie. Tu fais, bah, c'est pas possible. Ça, c'est le premier passage, je me suis dit, bah, il y a un problème, là. Ouais, c'est vraiment pas net, alors que là, on est dans un petit espace, encore. Hein. Ah oui. Là, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bah, ils sont deux, ou comment ça se passe? J'y ai pensé aussi, à un moment. Bah, après, la fin du film, spoiler, confirme plus ou moins ça. Mais ça se tient pas sur le long terme, quand même. Bah, je pense pas que c'était volontaire. C'est ça. Donc le croco, bah, il fait son premier snack de la journée. Il chope l'un des deux guides et puis bah, il le bouffe. Donc ça, là, c'est un effet très classique. Hein. C'est l'eau en ébullition, l'eau qui devient rouge. Voilà, on évite les effets gore, mais au moins on montre un peu de sang. Quoi. Ouais, bon, on n'aura jamais plus. Hein. Non, on fait le minimum syndical. Bah, c'est simple, l'effet, je pense, le plus gore, à la limite, qu'on ait vu. On verra dans le film, on l'a déjà passé, c'est le mec coupé en deux dans l'arbre. Ouais, à un moment, il y en a un qui se fait décapiter aussi, et on voit un tout petit peu, mais, ouais, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est décapité proprement, quoi, hein, pour un croco qui te coupe la tête. Oui, c'est un croco qui fait du boulot très, très soigné, effectivement. C'est le mec qui est décapité comme s'il était passé sous une guillotine, quoi, tu vois, c'est propre, c'est net, alors que normalement... Ah, la guillotine. Quelle belle invention. N'est-ce pas? On devrait la remettre en place. Ouais. Non mais voilà, alors que normalement... Enfin, normalement. Je dis ça comme si je l'avais vécu, tu sais. Mais j'imagine qu'un croco qui t'arrache la tête, c'est pas net. Ah bah, à mon avis, non, oui. La guide Penny est blessée à la jambe à cause de la corde qui s'est enroulée autour. Spencer, en bon connard, veut l'abandonner car elle va les ralentir. Mais comme elle est armée, elle le menace. Et elle a bien raison. Oui. Ben moi, j'aurais même tiré. Oui, ça va prendre un peu d'avance sur le croco, ça fait pas de mal. Non, mais c'est vraiment un connard, quand même. Vraiment. Ouais. Ah oui, complètement. Et donc, les personnages vont trouver le centre abandonné, le centre de recherche, et commencer à parcourir ses couloirs, ce qui permet de retomber sur cette bonne vieille technique de film sans budget, de filmer des gens qui avancent dans des couloirs vides pour économiser sur les décors. Non mais, et puis déjà là, ça y est, ça commence les décisions stupides. Tu vois, il rentre par une espèce de conduit, mais tu vois que le conduit a été défoncé. Donc tu sais très bien que la bestiole, elle est là, ou qu'en tout cas, elle y vient régulièrement. Oui. Donc ne va pas dedans, en fait. Mais non, oui, surtout qu'on ne sait pas ce qu'il cherche, s'il cherche de la nourriture ou quelque chose comme ça. Après, on peut se dire qu'il cherche une radio, à la limite, mais on verra par la suite qu'il y aurait eu d'autres techniques, mais bon. Ah oui. Ils arrivent à un endroit où il faut descendre, il faut descendre à la corde, ce qui a l'air un peu compliqué, et ils le font pour des raisons un peu obscures. Il n'y a quand même pas grand-chose de net qui légitime qu'ils descendent tous comme ça. Bah, c'est pour continuer à explorer, mais franchement, autant faire marche arrière et voir s'il n'y a pas un autre accès, quoi, plutôt que de prendre ce risque-là, vu que tu ne sais pas si tu pourras remonter, quoi. Bah, c'est même certain qu'ils ne pourront pas remonter par là, en tout et cas, par là, c'est que sûr. La corde, elle est tenue par Spencer, d'ailleurs, et elle n'est pas attachée à quelque chose, ils ne peuvent pas faire ça, donc une fois en bas, cette issue, elle est bloquée, et ils n'ont aucune preuve qu'il en existe d'autres, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, la descente ne va pas très bien se passer, alors il y en a deux qui réussissent à descendre, Sam et Jade. Mais quand c'est autour de la deuxième sœur, le crocodile se fait entendre et donc en haut, il lâche la corde. Et il panique. Et donc on se retrouve avec un groupe en bas et un groupe en haut. Voilà. Notons depuis tout à l'heure que tout ça, ça se passe dans des couloirs mal éclairés. Voilà. C'est dégueulasse, quoi, visuellement. Oui. On aurait eu un vrai mec à la photo, typiquement le genre de décor qui, dans un film d'attaque de monstres, aurait pu vraiment bien rendre. Mais alors là, pas du tout. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire à ce moment-là, comme dialogue, quand Jade tente de convaincre sa sœur qui a le vertige de descendre. « T'as déjà fait des montagnes russes à la fête foraine ?»« Oui, et j'ai vomi dans le sac de maman. » Ok, ça m'a fait un peu rire. Hein. Oui. Donc, alors personne n'est plus blessé que ça, ceci dit. Alice, elle est rattrapée par les autres en bas, donc elle se fait pas mal en tombant. Et il y a le groupe Spencer, Penny et Billy qui voient le crocodile pour la première fois, et effectivement, il est énorme et il remplit tout le couloir. Ouais. Et là, Billy, il a une idée, c'est qu'il peut peut-être faire un truc système de radio avec l'antenne qui est au bord du lac. Et du coup, pourquoi t'as pas dit ça plus tôt, espèce de connard? Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même improbable, quoi. Et il va commencer à se la jouer MacGyver avec des boîtes de conserve pour essayer de faire un truc. Enfin, ça a l'air très sympa, hein, mais bon. C'est vrai qu'il manque que le générique, quoi. Ah ouais, c'est complètement MacGyver. Bon, pendant ce temps, les autres, bah, ils continuent à déambuler dans des couloirs mal éclairés, hein. Ouais, ils se rendent compte que le local appartenait à un groupe appelé Fermeta Corp, qui faisait des expériences bizarres. Ouais, ça, je pense quand même que c'est le genre d'information, normalement, en sachant qu'ils ont un hacker dans l'équipe, que tu devrais pouvoir trouver facilement, quoi. Au bout d'un moment... Bah, ils auraient pu faire leur recherche avant, oui. Tu te renseignes sur l'île où tu vas, quoi. Merde, t'as un hacker dans ton équipe. Non, je pense vraiment que c'est des infos, tu les trouves, quoi. Je pense, oui, ça doit laisser des traces. En tout cas, qu'il se passe quelque chose de bizarre sur l'île, ça doit laisser des traces. Oui, et puis même, logiquement, il y a une trace de à qui appartient les terrains. Tu vois, l'île, elle appartient à quelqu'un, donc et logiquement au laboratoire, donc ça, il doit avoir des traces. Oui, j'imagine que ça, il y a moyen de dissimuler, mais en effet, avec un hacker qui a l'air surpuissant dans l'équipe, ils peuvent trouver ce genre de choses, normalement. Ils sont pas très bien renseignés, en effet. Alors en fait, c'est ça le truc, c'est qu'au début du film, on te les vend comme des mecs qui bravent tous les dangers et qui s'en sortent tout le temps, et puis après, on en est à 30 minutes de film et tu te rends compte que c'est tous des brêles, quoi. Ouais. Comprends pas. Effectivement, là, l'équipe va comprendre qu'il y a des crocodiles géants, a priori, qui ont été dressés ici parce qu'ils trouvent des cages, des trucs comme ça. Et la journaliste pose une question pertinente à laquelle nous n'aurons pas de réponse, comme nous l'avons dit, c'est pourquoi faire ça, quoi. Oui. À quoi bon? À quoi bon? Après tout, à quoi bon? Pourquoi regarder des films comme ça aussi, hein? Ça se tient. Ça se tient. Non, mais, et moi, ce qui m'affole le plus, c'est que vraiment, les mecs, on est dans un film qui se veut un petit peu horrifique. Ça se passe dans des couloirs mal éclairés, dans des espèces d'anciens locaux où il y a eu des expériences, et il n'y a même pas de tentative pour créer une simili-ambiance un peu lourde, quoi. Il n'y a rien. Le travail sonore est zéro, il est quasi inexistant, il n'y a rien qui joue sur un peu une ambiance un peu inquiétante, c'est des bruits un peu lointains pour nous faire croire que la bestiole serait là, il n'y a vraiment rien, c'est affolant. Oui, c'est très très mal fait, et les décors font très cheap, c'est-à-dire les couloirs, admettons, mais les labos, c'est vraiment trois pauvres étagères de métal avec quelques objets posés dessus, c'est censé être un méga groupe pharmaceutique, quoi. Oui, alors que là... Là, ça fait vraiment plutôt labo de clandestin, quoi. Ouais. L'équipe qui était à l'extérieur arrive de nuit au ponton pour tenter de capter un signal radio ou téléphone. Spencer se fait attraper, bravo le croco. Alors, là aussi, hein, encore une fois, la scène où on les a vus à l'extérieur, il faisait plein jour. C'était il y a même pas 6 minutes et là, il fait plein nuit. La nuit tombe très rapidement dans certaines zones du monde. Il y a des gros soucis de temporalité, en plus de ceux qu'on a évoqués sur la spatialisation dans ce film. Mais bon, oui, l'autre se fait bouffer, hurrah. Dans le bunker, dans le centre plutôt, Alice fait une métaphore avec le Minotaure, alors je sais pas trop pourquoi, à part pour faire croire que le film est intelligent. Ce qui ne marche pas très bien, on va pas se mentir, à ce stade-là, j'avais à peu près abandonné l'idée, moi. L'autre, il tombe sur un croc d'une taille disproportionnée. Bon, bah voilà, pour nous faire comprendre que la bestiole est énorme, mais on l'a déjà vu avant, donc on le sait qu'elle est énorme. Oui, et il y avait déjà eu la trace de patte en plus, pas mal plus tôt. Voilà. Aussi. Mais bon, c'est l'occasion de placer une anecdote sur la faune, comme quoi les crocodiles, quand ils perdent les dents, ça repousse. Eh oui. Oui. Ouais. Voilà, comme les requins. Sachez-le. Effectivement, c'est pratique. Dans le groupe dehors, Penny dit à Billy de l'abandonner parce qu'elle est blessée, donc elle attire plus le crocodile et elle se sacrifie pour détourner l'attention en allumant un signal de détresse. Ouais, qui est pour le coup est un comportement logique, ça va. Oui, c'est un comportement plutôt noble, entre guillemets. Mais là, il y a encore le souci de spatialisation, c'est-à-dire que sa fuite du croco, elle débute au milieu de la forêt et ça se termine d'un coup, on est dans un couloir de tunnel et on ne sait pas comment on est passé de l'un à l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et encore une fois, avec un bon mec à la photographie, la scène du couloir, là, éclairée en rouge via la fusée de détresse, ça aurait tellement bien rendu. Mais sauf que là, oui. Bah non. Alors après, soyons honnêtes, on n'a pas vu le film dans une qualité optimum. Mais je pense pas que le voir en HD aurait rendu la scène plus belle. Enfin, ceci dit, la HD, ça doit être un DVD produit par Sci-Fi. Hein. Elle doit pas être fofolle, la HD non plus. Ah oui, c'est vrai. Et autant, d'accord, le couloir, on aurait pu le rendre beau, autant les chauves-souris, c'était dispensable dans tous les cas. Non mais oui, mais comment ça, les chauves-souris À quel moment il y a des chauves-souris à ce moment-là? Alors que, rappelons-le, hein, c'est des animaux nocturnes. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent là alors qu'il fait nuit? Et que personne ne les a croisés la première fois quand ils sont arrivés dans le couloir. C'était peut-être pas le même couloir, vu que ça spatialise mal et que tous les couloirs se ressemblent. Ah oui, d'accord. Mais... Ça change pas qu'elles ont rien à foutre là alors qu'il fait nuit. Oui, c'est très confus. Et le crocodile, là, apparaît, et le signal de détresse s'éteint juste avant qu'il n'attaque, donc on ne voit rien, c'est pratique. Voilà, il apparaît derrière elle, hein, bien entendu. Elle l'a entendu quand la coursée quand elle est rentrée dans le tunnel, mais il pop derrière elle, dans le tunnel. Mais il y a des warp zones. Oui, ah d'accord, ok. J'avais pas compris. Le trio Sam, Alice, Jade retrouve Dane, celui qui les a amenés ici et qui est pas mort finalement. Et grâce à lui, il tombe sur une salle radio mais qui est inutilisable. Mais où il y a aussi Anderson, un type qui a été mentionné et qui est le mec qui a amené Dane sur ce coup-là dans un premier temps. Ouais. Alors, je voudrais juste relever une réplique faite par Sam qui plaque Dale au mur et qui lui dit « C'est ta faute si on est là ». Alors non. C'est toi qui as relevé son défi à la con. C'est de ta faute si vous êtes là. Oui. Enfin, on va dire responsabilité partagée, à la limite. Voilà. Oui, non, mais voilà, c'est pas que lui, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait totalement moyen de pas relever le défi. Voilà. Au bout d'un moment, t'arrêtais de faire ton mal alpha et puis tu y allais pas, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est dur de contenir sa masculinité, tu vois. Ah ouais. Bah, toi, tu vas bientôt arriver à Paris, tu vas voir, tu vas vite changer. C'est toi qui vas devenir de droite, finalement. Je t'entendais plus, je me suis dit, ah merde, ça, il est parti. Si. Bon, encore, ça va, là où tu vas, c'est et la gauche, et la gauche. Au second tour. Ouais, attends. Si, j'ai vérifié hier. C'est quoi, au second tour? Pantin. Le premier, c'est divers gauche et le second, c'est... Ah oui, d'accord, j'ai pas vérifié Pantin, j'étais encore sur Paris où il y avait Dati, je me disais, Dati à gauche, c'est osé. Non, là où tu vas, vraiment. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. Bon, ça, tu vois, c'est bien, ça, tiens. Ça lui fait plaisir, je lui ai donné une bonne info. Tandis que Reims, c'est la droite dure ou l'extrême droite, a priori. Non, on a une triangulaire à Reims. Ouais, mais il est bien en retard, hein, le candidat de gauche. Ah oui, mais bon, au moins, il est là. Ouais, mais je veux dire, ça se joue entre les deux autres, très nettement. Ah bah oui, clairement. Nous étudions ces créatures dans le but de fabriquer un vaccin dérivé de leur ADN. Je ne connais pas grand-chose aux reptiles, mais cet animal ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusqu'à présent dans ma vie. C'est parce que c'est une créature hybride en partie, caïman et en partie Purusaurus du Brésil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce éteinte du Miocène, qui vivait donc il y a 8 millions d'années environ. Si j'ai bien compris, Farm et Acorp a croisé l'ADN d'une créature préhistorique avec celui d'un crocodile actuel. Oui, c'est ça. Vous avez fabriqué un monstre? Pas intentionnellement. Notre but était de sauver des vies et de venir en aide à l'humanité. Vous êtes bien planté. Ce que je me demande, moi, c'est ce que vous faites là. J'ai toujours eu la conviction qu'une lignée de ces crocodiles était parvenue à survivre, même si j'ignore comment exactement. Comment l'avez-vous deviné? Quand Pharmetacorp nous a intimé l'ordre d'abandonner nos recherches secrètes, le vétérinaire chargé de s'occuper des animaux est parti en emportant avec lui un des spécimens et il est retourné vivre chez lui à Lake Placid, dans le Maine. Là-bas, le crocodile a grandi, son appétit aussi, et je suppose que ce brave homme a terminé ses jours dans l'estomac de son petit protégé. Avant de quitter le laboratoire, quand on nous a donné l'ordre d'euthanasier tous les animaux, le même vétérinaire a échafaudé un plan afin qu'une partie d'entre eux continue de vivre quand on serait parti. Le crocodile qui rôde aujourd'hui est le dernier survivant. Personne de chez Farmeta n'est venu vérifier. Ils ont condamné le bâtiment. Ils ont rendu les environs soi-disant inaccessibles et se sont lavé les mains de toute cette affaire. J'avais besoin de prélever de l'ADN sur cet animal et c'est là que vous êtes entré en scène. Grâce aux techniques actuelles, il me suffirait de quelques échantillons prélevés sur ce crocodile pour obtenir son ADN et transformer la médecine. Et empocher quelques milliards au passage. Sauver des millions de vies en gagnant des milliards, ce n'est pas un mauvais calcul. Je serai en mesure de mettre au point une gamme d'antibiotiques totalement révolutionnaire grâce aux nouvelles connaissances sur les cellules souches. Donc Anderson, le gars, le vieux Joe Pantoliano, leur explique qu'il a travaillé pour Farmeta Corp et qu'il voulait faire des prélèvements pour continuer à tenter de sauver le monde grâce aux cellules souches de crocodile. J'interviens, j'adore parce qu'il le trouve, il est par terre vraiment en mode clodo, quoi. Mais d'accord, je veux bien que tu sois blessé, mais quand même, il y a des chaises, quoi. Oui. Et puis, encore une fois, c'est confus. Enfin, si, à la limite, ok, je vais le faire confiance. T'es aussi confus que le docteur Raoult dans tes désirs d'expérimentation, mais admettons. C'est... On comprend rien au projet, vraiment. Ah oui, non, vraiment, ça n'a aucun sens, tout ce qu'il dit. Ça parle de cellules souches pour faire un antibiotique révolutionnaire. Je pense vraiment que ça marche pas du tout comme ça. Mais bon. Sans être scientifique, bien entendu. Ouais. Mais disons, pourquoi se faire chier à créer des crocodiles, quoi? Ben oui, c'est l'étape crocodile que je comprends pas. Mais bon. Parce que si, en fait, si pour avoir plein de cellules souches, faut créer une bestiole plus grande, bah autant créer une bestiole plus grande inoffensive, en fait. Pourquoi créer un crocodile? Je comprends pas. C'est ça qui est étrange. Ouais, je sais pas. Honnêtement, vraiment, je pense qu'ils se sont rendus compte en cours de film qu'ils avaient absolument aucune justification au crocodile géant et qu'ils ont improvisé un truc, mais qui marche pas du tout. Là. Voilà, je pense aussi. Bon, après ça, je pense que ce sera pas rare hein, dans les films d'attaque animale. Billy se fait décapiter par le crocodile. Voilà. Bon, c'est mal fait, voilà. Voilà, bah c'est la fameuse scène de décapitation qu'on a parlé. Oui, c'est ça. Anderson fuit et inonde les couloirs pour que le crocodile chope les autres, ce que je ne comprends pas vu que de toute façon le crocodile circule très bien sur la terre ferme. Donc oui. L'inondation des couloirs n'apporte pas grand-chose de plus. J'aime bien parce que il y a un passage juste avant, tu sais quoi, il confronte le scientifique, ça fait vraiment film policier mais pour enfants, ça fait vraiment Scooby-Doo. Genre, mais vous saviez ce qui allait se passer? Non. Alors pourquoi vous avez un fusil de chasse là? Au cas où? Bah pourquoi vous aviez des fléchettes tranquillisantes? Au cas où? Vous baladez jamais avec votre fusil de chasse et vos fléchettes tranquillisantes? ça fait vraiment Scooby-Doo quoi cette scène là, c'était très drôle. Bon, très drôle pas volontairement, vous avez compris. Il y a une ou deux tentatives d'humour volontaire des fois, mais c'est vrai que le film est très sérieux dans l'ensemble, dans son ton. Là, on commence à entrer un peu dans l'acte final avec la fuite des personnages survivants, la traque. Bon, c'est quand même très mou, hein. C'est un peu ça le souci. Ah oui. Encore une fois, quoi, il y a les deux mecs, là, ils sont dans un tunnel qui est en partie inondé, puis t'as aucune tension, quoi. Tu te dis, je sais pas, quoi, ils sont... Un tunnel en partie inondé avec de l'eau qui coule, donc il pourrait crever à tout moment. Il y a une bestiole aquatique dans le coin. Jouer sur ça, quoi, non. Il n'y a aucune tentative. Non, parce que c'est très très mal filmé et écrit et spatialisé, encore une fois. On ne sait pas où ils sont de toute façon. Donc, oui, voilà. En plus. Le suivant à se faire manger, c'est Dane dans une scène ridicule parce qu'on voit de plus en plus le crocodile pardon, et donc on se rend de plus en plus compte que le crocodile est très très mal fait en CGI. Ouais. Et là, dans la scène où il mange Dane, waouh, ça pique. Hein. Ouais, il est horrible. Et puis il a des mouvements un peu saccadés façon vieux jeu vidéo, c'est vraiment horrible. Ouais, et tu vois, le film aurait gardé le ton un peu comique des précédents Lake Placid, ça serait mieux passé parce que on serait dit, bon, pourquoi pas, les effets sont un peu cheap, mais c'est pas un film d'horreur très sérieux. Là, vu que ça se prétend plus premier degré, on le reproche beaucoup plus que ce soit moche et mal fait techniquement. Et c'est en partie pour ça qu'on comprend ces critiques-là qui sont émises par beaucoup, quoi. Ouais. Anderson se fait tuer aussi, hors champ. Ouais. Là, Sam a une idée, pourquoi pas, d'ouvrir des bonbonnes de gaz pour faire exploser le centre, mais en restant pour attirer la bête, tandis que les deux sœurs s'enfuient. Le plan, dans la situation où ils sont, pourquoi pas, en soi. Oui, pourquoi pas. Ça foire totalement, mais... Je m'y attendais pas à ce que ça foire, hein, vraiment, ça m'a surpris pour le coup. Oui, pareil. Et là, pour le coup, c'est un des moments de comédie un peu volontaire. Tu vois, il lâche une phrase censée être badass, il allume la fusée de détresse, mais elle s'allume pas. Ouais. Là, il y a un moment d'humour un peu volontaire. Et qui aurait pu fonctionner vraiment pour le coup. Dommage. Oui. Parce que oui, moi je m'attendais à ce que vraiment il ait son moment héroïque. Bon, ben voilà, il y passe, mais il bute le croco et genre après on se serait rendu compte qu'il y en a un second. Je pensais vraiment que c'était vers ça que ça se dirigeait, mais alors que pas du tout. Du coup, ça foire, il se fait bouffer et le croco continue à poursuivre les deux sœurs. Oui, et ce seront donc les deux sœurs qui se débarrasseront des deux, enfin du croco, en le bloquant sous une grue dans un premier temps, Ouais. puis en déversant de l'histoire sur lui, et là en réussissant à y mettre le feu. Dans une Ça. explosion qui est pas belle, Non, qui voilà. est très très moche, Alors que effectivement. visiblement, il y a un des types des effets spéciaux qui était plutôt spécialisé dans les explosions. Là, bah, il a peut-être pas eu l'argent, pas la motive, je sais pas, mais elle est pas belle, son explosion. Non, c'est très très très très laid. Moi, je trouve ça un petit peu. Comment dire? Disons que t'as une énorme grue, donc un outil qui peut vraiment littéralement écraser la bestiole. Pourquoi tu te contentes de la bloquer pour ensuite aller déverser un liquide enflammable dessus pour y foutre le feu? C'est un peu risqué, quoi. Autant l'écraser directement. Je sais pas jusqu'à quel point la grue peut écraser. Est-ce qu'elle a suffisamment... Parce que ça a de la force pour soulever des trucs, mais pour presser, je sais pas si c'est très performant une grue. Je sais pas, mais moi ça m'a, je sais pas, ça m'a perturbé. Ouais, moi pas plus que ça pour le coup, ça. Bon, par contre, la blague faite à la fin, Royal le barbecue, elle fait très déplacée. Étant donné, encore une fois, le ton sérieux et qu'on vient de voir tous leurs amis se faire massacrer, quoi. Oui, c'est ça. Normalement, tu devrais être un peu attristé, quoi. Bah c'est ça, j'ai jamais perdu de proche dans une attaque de crocodile, mais je pense que ça m'affecterait, tu vois. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc elle quitte l'île à la nage et arrive ce qu'on attendait tous, hein, tu l'as mentionné tout à l'heure, à savoir qu'on voit un autre crocodile qui apparaît. Voilà, qui sort un peu la gueule hors de l'eau pour guetter ce qui se passe, et puis bah voilà. Il va se faire un petit casse-dalle nocturne. Et donc on pourra avoir un Lake Placid Legacy 2. C'est super, on est content. Ouais, on attend, hein, on est très impatient. Sci-Fi, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 8 ans déjà. C'est vrai ça. Putain, ce film a bientôt 10 ans, c'est quand même incroyable. Ouais. Ah, mais c'est pour ça les effets spéciaux, hein. On n'en faisait pas des aussi bien à l'époque. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ce film est sorti quasiment 20 ans après Jurassic Park. Plus de 20 ans même après Jurassic Park. Oui, il est sorti 25 ans après Jurassic Park. Ça fait mal quand même. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le classe? Ah bah oui, bah on va pas débattre très longtemps, mais oui, allons-y. Les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Bon bah le classement il est simple, hein. Isolation de Billy O'Brien, Tarantula de Jack Arnold, Crawl d'Alexandre Aja et L'incroyable alligator de Lee Hustig. Et bon bah il n'y a pas trop de suspense quoi. Lake Placid Legacy, bon bah c'est le cinquième quoi. Bah ouais, là, il n'y a Même pas pas de de débat. débat quoi. C'est-à-dire l'incroyable alligator qui est quand même très moyen l'explose mais haut la main quoi. Oui, il a quand même des qualités, il est divertissant, quoi, l'incroyable alligator, tandis que là, ouais, non, c'est pas bien. Mais il restera pas dernier longtemps, hein, je pense. Après, là, on peut dire que il est dans notre top 5. Il aura été au moins un épisode dans notre top 5. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a Bah, pas même beaucoup de... dans le top 10. Ouais, il va rester un moment dans le top 10, hein. D'une certaine façon, c'est un Eh, accomplissement. voilà. Eh, l'éditeur, là, qui va éditer en DVD ou peut-être en Blu-ray 4K Lake Placid l'héritage, vous prenez cette petite phrase, il a été dans le top 5 de 30 millions d'attaques. Vous découpez ce Voilà. passage-là, puis voilà. On vous fait Combo le gratuite. commentaire audio aussi, hein, si vous voulez. Ah oui, vous prenez l'intégralité du podcast et puis ça fait un commentaire audio. Bon, par contre, je sais pas si en termes de com, ça va être très pertinent. Eh bien, nous allons pouvoir passer au tirage au sort pour la prochaine fois. Et c'est à toi de choisir un résultat au sort, Ouais. enfin un chiffre au sort. Donc, je te laisse choisir un chiffre entre 2 et 97, tu peux le générer aléatoirement si tu veux, plus de hasard. Ah putain, mais j'ai pas prévu de... Non, je vais te le dire là, je prévoirai plus une autre fois. 83. Alors, 83, nous parlerons la prochaine fois de The Nest de Terence H. Ah, Winkless, un film d'attaque de cafards. Ouais, des cafards, effectivement. Un film américain qui date de 1988. Ouais, édité... Bien d'animal. Édité en format physique chez nous par Le Chat qui Fume, voilà. Si oui. C'est sorti en format physique chez nous, en plus. Très bien, bah c'est notre programme pour le mois prochain. On va du coup, on va découvrir un autre clan du monde animal. Oui, c'est vrai que... Alors, les insectes, est-ce que c'est classé dans les animaux, les insectes? Techniquement, même pas, je crois. Il me semble pas. On les met parce que, voilà, c'est plus simple. Oui, quand même, le monde animal, quoi, c'est la faune et la flore, quoi. Oui, voilà, on simplifie un peu. Donc, on se retrouve dans un mois pour parler de The Nest. Voilà. En attendant, vous pourrez nous retrouver dans 2 semaines dans le vidéoclub de Castle Rock consacré aux révélations de Becca Paulson, la nouvelle et l'adaptation dans la série Au-delà du réel. Au-delà du réel. De Becky Paulson, d'ailleurs, pas Becca. Ouais, Becky. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @ cinéma archiviste pour toi sur Blue Sky, @ Chris-6 The Lost Tales pour moi également sur Blue Sky. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, la chaîne archiviste du cinéma où je parle principalement de cinéma asiatique. Sur Twitch, alors là c'est moi qui suis en pause à cause de mes occupations et de mon déménagement, tandis que toi tu reprends Twitch. Ah oui, j'en refais un petit peu effectivement sur la chaîne Twitch The Lost Tales. Et toi, on peut te retrouver dans un nouveau podcast également. Oui, vous pouvez me retrouver dans Woman, que je fais avec d'autres personnes, qui est consacré aux réalisatrices d'Asie. Nos deux premiers épisodes sont sortis, le troisième ne sera pas sorti, je pense, au moment où sortira cet épisode. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait d'être chroniqueur dans un podcast? Genre, tu viens, mets les pieds sous la table et voilà. C'est reposant de savoir qu'on n'a pas le montage à faire. C'est pas mal, hein. Ouais, clairement. Non, après, j'essaie de préparer les choses sérieusement au niveau recherche et tout, quand même. Je fais pareil, dis donc. Mais oui, c'est très reposant, de ne pas avoir à gérer la partie qui vient après. Bah, puis même la partie présentation de podcast, tout ça. Oui, aussi, ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à écouter ça, c'est très chouette, je trouve. Eh bien, en attendant, on vous dit donc au mois prochain pour The Nest. Yes, toujours pas de... toujours pas d'avatar, toujours pas de bannière. Il va falloir que je trouve un jour. Hein. Graou, allez sur le Ko-fi, ça nous donnera des idées. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donnez de l'argent, on trouvera des idées. À très bientôt. Salut. Thank you.